change de poids toutes les saisons. Si on se parle plus nous deux, c'est peut-être que j'ai mes raisons. Qu'est-ce qu'un frérot, tu me gratuites, shit, moi j'ai pas de réseau. Tu veux que je te fasse la bise ou que je mette un coup de tête dans le naso? À ce skip, tu me gères, je comprends pas, moi passe à la maison. Parle pas de guerre, ton coffrage c'est un scooter d'occasion. Malade, il voit, il est plus petit que tourner en location. Chiquita, j'aime son boule qui me donne grave de la sensation. Ça va chier, l'ami, je lui plais, j'ai mis le Givenchy. Au dire qu'on m'appelle la machine, on m'appelle l'ovni, on m'appelle le J. Au dire qu'on m'appelle la machine, on m'appelle l'ovni, on m'appelle le J. J'suis pas mon flash et j'suis qui? Je ne sais même plus leur qui. J'vois mon pote passe là la cheville, il est pas sorti du mois d'huile. J'vais danser le YMC, si on me sent le canon scié. On sonne pas de permis d'être grillé, ce soir les récits ça crie. On dirait que j'ai perdu tout mon temps. J'me sens bien quand j'suis avec les saints. Fais gaffe à ce que j'dis, la France m'entend. Espérant que ça dure longtemps. Qui a dit que la part était à toi? Qui a dit que je n'ai pas la foi, Miss? Qui a dit que je pense à toi? Je me demande pourquoi. Et je me demande pourquoi. Les gens ont mis l'œil sur toi. Tout va bien, rassure-toi. Si on brouille, je prends sur moi. En ce moment, tout va les pousses. Mais mon poteau garde son douce. En ce moment, tout va les pousses. Il me cherche, je suis où? À la pointe, je vis de la grigousse. Je parle pas, je prouve. Si tu me cherches vraiment, tu me trouves. Maintenant, tu me zappes. Je m'en fous, je préfère rester seul qu'on me fout. Tu parles derrière devant tes choux. Tu parles quand t'es sous, tout ça pour des sous. J'suis pas mon flash et j'suis qui? Je ne sais même plus leur qui. J'suis pas mon pote passe là la cheville. Il est pas sorti du mois de juillet. J'suis pas dans le YMC. Si on te sent le canon. C'est la crise au Jake and Maker. C'est la crise au Jake and Maker.